Dossier 4. Livre page 47. Question A. 1. Je ne peux pas sortir ce matin. Il y a du vent. Le ciel est plein de nuages et il fait très mauvais. Tu as raison. C'est le changement du climat. L'automne va commencer. 2. Quand le soleil brille, il fait chaud et les vacances commencent. C'est quelle saison ? C'est l'été, bien sûr. 3. Lorsqu'il fait froid, il pleut ou il neige et il y a de l'orage, nous sommes en quelle saison ? On est en hiver. 4. J'adore les fleurs de toutes les couleurs, les arbres verts, le ciel bleu, les oiseaux et les papillons sont partout. C'est la plus belle saison. J'adore le printemps.